chiottes, des opiacés, des cathédrales en acier. Bitumation, intersection sur le trottoir, le cri des chiens. Vivre sa vie comme un devoir qu'il faut remplir dans un miroir. Et tous ces mecs qui étiquettent les chimpanzés vendent des fantasmes. Et toi, vieillard aux yeux d'hiver, je te connais, tu me ressembles. Dans cette vie, ça pue l'enfer. Quand tu s'obstines à trop comprendre. Les redingotes de l'imposture ont pignon sur rue les procédures. Haut du pavé, cœur pour souffler, c'était leur temps. Ils le savaient. Les ventres affamés ont de l'oreille, jamais personne pour les entendre. Les vieux poètes dans les musées, à l'étalage, dans des cages. Et toi, vieillard aux yeux d'hiver, je te connais, tu me ressembles. Dans cette vie, ça pue l'enfer. Quand tu sortis à trop comprendre. Elle a son corps et ses idées, ses désirs te sont étrangers. Je voudrais bien changer de monde et aller voir une autre ronde. Loin du serpent horizontal, rien qu'un grand ciel pour se répandre. Et toi, vieillard, aux yeux d'hiver, je te connais, tu me ressembles. Dans cette vie, ça pue l'enfer. Obstine à trop